Oops. Franchement, après manger, je suis démotivé, j'ai envie de faire une grosse sieste. Bon, allez, save the loop. Syncope freedom. Allez, hop, c'est parti. Bon, je t'ai dit, j'ai la flemme de jouer aujourd'hui, sinon, belle petite après-midi. Je regarde si j'ai d'autres choses, hein. Alors, j'ai une progression en C majeur 7, C7. Un truc que j'avais enregistré auparavant, un truc assez facile. Hein. À quoi ça ressemble? Et je sais même pas à quoi ça ressemble, on verra. Salut Squire. Je te promets, là, je suis complètement dans les gants. Je crois que c'est des crevettes, là. Je crois que les crevettes de Nouvelle-Calédonie me manquent. Je me suis mis à trouver des gambas ici, là. Dormir. Allez, écoute ça. Tu vois, ça fait comptine de clair de lune. Je crois que j'ai une partie guitare aussi. C majeur 7, C7, F majeur 7 et F mineur. Thank you. Thank you.